بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد La louange est à Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir comblés de ces rencontres pour se conseiller mutuellement la vérité et l'endurance. Inch'Allah, cette nouvelle série est comme la précédente, l'histoire se répète. La finalité de cette série, c'est le conseil et l'orientation vers ce qu'Allah aime et agrée. Car le messager d'Allah a dit dans le hadith d'Anas rapporté par l'imam Bukhari ou l'imam Muslim, aucun de vous n'aura la foi complète que s'il désire pour son frère ce qu'il désire pour lui-même. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse que nous soyons parmi ceux-là, parmi ceux qui aiment et désirent le bien pour leur frère croyant. Et dans l'authentique et dans l'autre hadith rapporté par Muslim, selon Ruqayya, Tamim, selon Abu Ruqayya Tamim ibn Aws Dari radiyallahu anhu, le prophète a dit, le pivot de la religion, c'est le conseil. Le pivot de la religion, c'est le conseil. Nous lui avons dit, pour qui au messager d'Allah? Il nous a répondu, pour la religion d'Allah, pour le livre d'Allah, pour le messager d'Allah, pour les imams des musulmans incluent les savants ainsi que les gouverneurs, les juges et ainsi de suite. Et avec le commun d'entre vous. Donc il a dit, alayhi salatu wassalam, le pivot de la religion, c'est le conseil. Nous lui avons dit, pour qui au messager d'Allah? Il nous a répondu, pour la religion d'Allah, pour le livre d'Allah, pour le messager d'Allah, pour les imams des musulmans, et avec le commun d'entre vous. Donc, la synthèse du bon conseil, c'est ce hadith de Tamim Dari radiyallahu anhu arda, et c'est le fait de faire triompher la religion d'Allah dans ta vie, en la mettant en application, comme il t'a été demandé, dans un suivi correct du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et, en défendant la religion d'Allah, par la réfutation et le rejet des fausses croyances et des fausses pratiques, et on appelle vers cette religion authentique d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Quant au conseil au messager d'Allah, c'est de l'aimer, de le suivre, de suivre sa sunna, et de se doter de son comportement, et de propager l'éminence de son comportement, et d'appeler à la sunna et au Coran qui lui ont été révélés, et de réfuter les innovations et les égarements qui sont en divergence avec sa vie, sallallahu alayhi wa sallam. Quant au conseil aux imams de la communauté, que ce soit les hommes de science et les gouverneurs, c'est d'aimer pour eux le bien, et d'aimer pour eux qu'ils soient droits et justes, et d'aimer pour eux que leur peuple soit réuni autour d'eux, et de détester que leur peuple soit contre eux. Et c'est aussi se rapprocher d'Allah. C'est aussi de se rapprocher d'Allah par leur obéissance dans le bien. Et de détester ceux qui se rebellent contre eux, ou ceux qui incitent les gens à se rebeller contre eux. Et c'est aussi aimer pour eux qu'ils soient forts dans l'obéissance à Allah. Et de faire dua pour eux. Et si tu vois une transgression de leur part, tu les conseilles en privé si tu peux. Sinon, Allah n'impose pas aux personnes ce qu'ils ne peuvent pas. Et tu blâmes la transgression par ton cœur et tu le roubilles dans le bien. Quant au conseil à la masse musulmane, c'est d'aimer pour eux ce que tu aimes pour toi-même, et que tu détestes pour eux ce que tu détestes pour toi-même, et que tu aies la compassion pour eux, que tu aies de la compassion pour eux, et que tu sois clément et doux avec leurs petits, respectueux de leurs personnes âgées, et que tu t'affliges pour leur malheur, et que tu te réjouisses de leur joie, et que tu aimes qu'ils soient bien réformés, et qu'ils soient bien droits dans la religion d'Allah Azza wa Jal, et que tu aimes pour eux qu'ils soient comblés des grâces d'Allah subhanahu wa ta'ala. Abu Hatim ibn Hibban rahimahullah, qui est mort en 354 de l'Hijr, a dit dans son livre Rawdat al-Uqala wa Nuzhat al-Fudala à la page 194, son livre, la traduction approximative du titre du livre, Le Jardin des Doués de Raison et la Promenade de l'élite. Ce livre, quand Cheikh Al-Uthaymeen était étudiant à l'Institut de Riyad, on demandait aux étudiants à la deuxième année de l'Institut de Riyad d'avoir comme lecture ce livre, Le Jardin des Doués de Raison et la Promenade de l'élite, Rawdat al-Uqala wa Nuzhat al-Fudala. Ibn Hibban, rahimahullah ta'ala, il a dit dans cette façon 94, il est obligatoire pour celui qui est doué de raison de s'attacher au fait de prodiguer le conseil à tous les musulmans et de ne pas les trahir, que ce soit par la pensée, la parole ou les actes. Car le Mustafa sallallahu alayhi wa sallam mettait comme condition à tout un chacun qui lui faisait l'allégeance parmi ses compagnons, le conseil à tout musulman. Il incluait l'allégeance avec le conseil. Quand il prenait l'allégeance des nobles compagnons, avec cette allégeance, avec les piliers de l'islam, etc., il incluait aussi le conseil aux musulmans en plus. Il a dit, rahimahullah ta'ala, car Al-Mustafa sallallahu alayhi wa sallam mettait comme condition à tout un chacun qui lui faisait l'allégeance parmi ses compagnons le conseil aux musulmans en plus de l'accomplissement de la prière et de s'acquitter de la zakat. Fin de citation. Le noble érudit Cheikh Al-Uthaymeen rahimahullah ta'ala wa askanahu Allah fasiha jannatih, qu'Allah lui donne le firdaus al-ala, a dit dans l'explication de Riyad al-Salihin à la page 2, au tome 2, à la page 398, il a dit, rahimahullah, fais partie du conseil pour la masse musulmane, c'est que tu aimes pour eux ce que tu aimes pour toi-même, et que tu leur montres le bien, et que tu les orientes vers la vérité, et s'ils se sont égarés, et que tu leur rappelles le bien quand ils l'oublient, et que tu les prennes comme tes frères. Car le messager d'Allah a dit, le musulman est le frère du musulman. Et il a dit, le croyant est pour le croyant comme un édifice dont les briques se soutiennent les unes les autres. Et il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, l'exemple des croyants dont leur amitié, leur miséricorde et leur compassion et comme l'exemple d'un corps qui, lorsqu'un de ses membres est affecté par une maladie, se trouve entièrement touché par la douleur et la fièvre. Cheikh Al-Uthaymeen dit, quand tu sens une douleur dans une partie de ton corps, cette douleur s'empare de tout ton corps. Ainsi, tu dois être avec les musulmans. Si un musulman souffre, c'est comme si c'est toi qui souffres. Fin de citation des paroles de Cheikh Al-Uthaymeen, rahmatullah alayhi. Donc, frère en Allah, Azza wa Jal, le conseil aux musulmans est d'une grande importance. C'est la cause pour qu'ils soient réformés dans le bien. Et c'est la cause pour qu'ils soient sauvés de l'enfer. C'est pour ça que Jarir a dit, comme il est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, j'ai fait l'allégeance au messager d'Allah pour accomplir le conseil à tout musulman. Dans ce qui est rapporté par Dahabi rahimahullah dans Siyar Alam Nubala, le tome 4 à la page 400, 536, Bakr bin Abdillah qui est mort au nom 108 de l'Hégire, Bakr bin Abdillah al-Muzani, a dit, si on me dit, prends par la main le meilleur homme de la mosquée, si on me dit, prends par la main le meilleur homme de la mosquée, j'aurais dit, montrez-moi celui qui conseille le plus la masse. Et si on me le montre, je le prendrai par la main. Regardez le critère où il est. Et si on me dit, prends par la main le pire, j'aurais dit, montrez-moi celui qui trahit la masse, c'est-à-dire celui qui ne les conseille pas ou celui qui leur donne des mauvais conseils. Et il dit, rahimahullah, ici un annonciateur du ciel dit, ne rentrera au paradis qu'un seul homme parmi vous, il serait du devoir de chaque être d'espérer que ce soit lui. Et si l'annonciateur du ciel dit, ne rentrera en enfer qu'un seul homme parmi vous, il serait du devoir de tout être d'avoir peur de ne pas être celui-là. Fin de citation. Regardez, quand on lui a demandé, de prendre par la main le meilleur des hommes, il a dit, montrez-moi celui qui est digne du conseil aux musulmans. Donc le fait de conseiller est un signe du bien. Quand on a accompli le conseil, comme il se doit et selon la voie de Muhammad alayhi salatu salam, selon sa sunna et la voie de ses nobles compagnons, radhiyallahu anhum, après ce prélude, notre messager, qui n'est que le véridique, qui n'a dit que la vérité, nous a annoncé dans un hadith les épreuves qui arriveront avec les mauvaises fréquentations et avec les mauvais compagnons. Parmi ce qu'il a dit, alayhi salatu salam, chaque temps qui arrive est pire que celui qui est passé, jusqu'à ce que vous rencontriez, jusqu'à ce que vous rencontrerez votre souverain. Ce hadith est rapporté par Al-Bukhari et par Tirmidhi. Ce hadith montre la véracité de notre messager, alayhi salatu salam. Et ceci est très clair à notre époque, vu que beaucoup, sauf ceux qu'Allah a préservés, se sont éloignés du livre et de la sunna selon la voie et la compréhension des pieux prédicateurs d'Allah alim. Et que beaucoup n'ont de préoccupation que ce bas monde. Et ceci fait augmenter les mauvaises fréquentations. Ce qui est tout à fait normal, car la bonne fréquentation, c'est celle qui se cramponne au livre et à la sunna selon la voie des salafs. Et nos assises, celles-ci et celles qui suivent, seront un rappel et un avertissement. Un rappel des qualités de ceux dont il faut chercher la fréquentation, de ceux dont la fréquentation est obligatoire, ceux que le messager nous a incités à chercher leur fréquentation. Et un avertissement sur les mauvais caractères de ceux qu'il faut fuir, de ceux qu'il ne faut pas fréquenter, desquels le messager d'Allah nous a avertis, ainsi qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le sujet sera traité selon les points suivants. Premièrement, l'importance du choix de la fréquentation vertueuse. Deuxièmement, comment Allah a blâmé, ainsi que son messager, la mauvaise fréquentation. Troisième point, les qualités de la fréquentation vertueuse. Quatrième point, comment se préserver à une époque où les fitnes se sont propagées. Cinquième point, les catégories de la mauvaise fréquentation. Les différentes catégories de la mauvaise fréquentation. Sixième point, comment se comporter avec les mauvaises fréquentations. Qu'Allah nous facilite et nous donne la clairvoyance dans notre religion. Et l'humble serviteur qui vous parle n'a donc tout cela que la compilation des textes et leur disposition dans un certain ordre, et qu'Allah comble de sa miséricorde nos savants et nos demandeurs de science confirmée. Donc le premier point, ou le premier sujet, l'importance du choix de la fréquentation. Dans la religion d'Allah, selon le livre et l'authentique de la Sunna, il est bien stipulé l'ordre de bien choisir ses fréquentations, comme il est bien clarifié l'interdiction des mauvaises fréquentations. Et combien il est énorme le mal qui arrive à l'être humain avec les mauvaises fréquentations. Et combien il est énorme le bien qu'il acquiert en fréquentant les vertueux et les gens du bien. Car la nature humaine se fait attirer par ce qu'il fréquente, par ceux avec qui il a des affinités, etc. Et cette nature humaine attire, comme les monts attirent le fer. Et l'être humain a envie de ce qu'il voit. Et Shaitan court dans la descendance d'Adam comme le sang coule dans les veines. Shaitan embellit à l'être humain les impuretés, embellit à l'être humain les tentations. Et une fois qu'il a assouvi ses envies, dans les tentations, il s'expose et mérite le châtiment du souverain subhanahu wa ta'ala. Il sera privé d'un grand bien et de la clémence s'il ne se rompt pas et si Allah ne lui pardonne pas. C'est pour cela que l'islam a donné une grande importance au choix de la bonne fréquentation. Car l'être humain ne peut pas vivre seul. De par sa nature, il est social. Il faut qu'il vit dans une société. قال عز وجل الله سبحانه وتعالى s'adresse à son messager عليه الصلاة والسلام dans son verset dans سورة الكهف verset 28 قال عز وجل واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. La traduction approximative du sens du verset nous dit cela: reste avec ceux qui invoquent leur Seigneur matin et soir, désirant uniquement le visage d'Allah. Dans le tafsir de l'imam Tabari, rahimahullah, le prince des exégètes par excellence, dans le 15e tome, à la page 154, il dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala s'est adressé à Muhammad en lui disant: « Ô Muhammad, reste et patiente avec tes compagnons qui adorent Allah et l'invoquent matin et soir par le fait de le glorifier, de le louer, de lui reconnaître l'unicité, de l'implorer et par les œuvres vertueuses comme la prière obligatoire et autres. Ils veulent avec leurs actes le visage d'Allah, ils ne veulent pas avec ce bas monde et ses pécunes. » Fin de citation. Pourquoi cela? Car du bon compagnon ou de la fréquentation vertueuse ne découle que le bien. Celui qui les fréquente ne sera pas malheureux, ne sera pas affligé, n'aura pas de remords et ne regrettera pas leur fréquentation. Ils sont dotés de bonnes manières et ils ont des nobles qualités, ce qui impose la recherche de leur compagnie. Et après cet ordre, dont le verset cité auparavant, qui est l'ordre, c'est d'être avec la fréquentation vertueuse, Allah a suivi cela de l'interdiction d'être en compagnie des associateurs et des polythéistes et de ceux qui renferment dans leur cœur les impuretés. Même s'ils ont des rangs élevés dans la société, même si leur aligné fait partie de la noblesse, même s'ils sont très riches, il est dit dans le verset: وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. La traduction approximative du sens du verset nous dit: il ne détourne point ton regard d'eux pour rechercher les parures de ce bas monde. C'est-à-dire, ne détourne pas ton regard de la bonne fréquentation. Tabari a dit, rahmatullah alayhi, dans ce verset, Allah ordonne à son messager de ne pas détourner son regard de ceux qu'Allah lui a ordonné de ceux avec qui Allah lui a ordonné de rester et d'être en leur compagnie au début du verset, même si ceux vers lesquels il veut tourner le regard font partie de la noblesse. Fin de citation. Ce verset, il a une cause de sa révélation. Le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, quand il s'assied avec ses compagnons qui étaient parmi les faibles, les pauvres, etc., à côté de la mosquée de la Mecque, les notables de la Mecque sont venus le voir et lui ont dit, tu vois, les tribus arabes viennent te voir, alors réserve-nous à nous autres les notables une assise privée dans laquelle il n'y aura pas les pauvres et tout ça, parce qu'on n'aimerait pas que les arabes nous voient. Et Allah subhanahu wa ta'ala fait révéler ce verset, ne te détourne pas de ceux qui glorifient Allah, qui adorent Allah, qui invoquent Allah, etc. Ce verset dans Surat la caverne contient un ordre et une interdiction. L'ordre implique l'obligation du moment, l'ordre implique en général l'obligation du moment qu'il n'y a pas un signe qui le modifie. L'ordre restera toujours une obligation. Tant qu'il n'y a pas quelque chose qui vient stipuler que ça diminue, que l'ordre diminue ou la change. Il en est de même pour l'interdiction. L'interdiction implique l'abstinence du moment qu'il n'y a pas un signe ou quelque chose qui la modifie, il la rend du domaine du préférable qu'il ne faut pas faire et que celui qui le fait n'a pas commis de péché. Dans ce verset, il y a une preuve claire sur l'importance du bon choix des fréquentations. Le choix doit se faire sur des critères de la religion et la virtuosité, sur des critères religieux et sur la virtuosité de la personne, même si celui que tu fréquentes fait partie des pauvres et des fauchés, au contraire de celui qu'il ne faut pas fréquenter, qui a des mauvaises qualités, même s'il est fortuné ou a un rang important dans la société. Donc ce qu'il faut mettre en avant, c'est la religion de la personne et la virtuosité de la personne, et non pas son rang social, ni son importance, sa richesse ou autre. Écoute la parole du messager d'Allah dans l'authentique de Al-Bukhari et de Muslim. Le hadith d'Abu Huraira radiallahu anhu arda, le messager d'Allah a dit, le jour de la résurrection arrivera l'homme très gros, qui pèse lourd, et qui était important dans ce bas monde, qui ne pèsera pas le poids de l'aile d'une puce, qui ne pèsera pas le jour de la résurrection le poids de l'aile d'une puce. Donc, la considération de l'homme ne se fait pas à partir de son poids physique, ni de son poids social, ni de sa richesse, ni avec son pouvoir, ni avec sa fortune. Mais sa considération découle de la taqwa, qui est le fait de mettre en application les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, et de s'abstenir de ce qu'il a interdit avec preuve, en espérant la récompense d'Allah, et n'ayant peur du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et aussi, l'une des qualités de la fréquentation, c'est que il a le wara, c'est-à-dire il s'abstient de ce qui est autorisé pour ne pas tomber dans ce qui ne l'est pas. Donc la considération de l'homme ne se fait pas à partir de son poids physique ou de son poids social ou du poids de sa fortune, mais sa considération découle de la taqwa, qui est le fait de mettre en application les ordres d'Allah et de s'abstenir de ce qu'il a interdit, et de son abstinence de ce qui est autorisé pour ne pas tomber dans ce qu'il ne l'est pas, ce qu'on appelle le wara. Le fauché, le pauvre, ainsi que le faible, s'il est sur une bonne vie dans sa religion, s'il est sur une bonne voie dans sa religion, et qu'il est vertueux, et mieux, soit il t'aidera dans ta religion, ou il t'aidera dans ton mandat, ou que tu vas trouver dans son comportement et dans sa conversation et dans son conseil quelque chose qui te sera profitable et qui te sera utile dans ce bas monde et dans le-delà. Et son silence ne te causera aucun mal. Quant aux nobles et aux fortunés et aux forts et à celui qui a le rang social ou celui qui est bien placé dans la société, s'il fait partie des gens du mal, soit il va te faire ou te causer du mal par ses mauvais actes ou ses mauvaises paroles ou te déranger par son mauvais comportement, même si ce n'est pas toi qu'il vise avec. Ibn Hibban rahimahullah, dans Rawdat al-Uqala et Nuzhat al-Fudala, Rawdat al-Uqala, le jardin des doués de raison, et Nuzhat al-Fudala, la promenade de l'élite, des gens du mérite. Il dit rahimahullah, la fréquentation du chien est mieux que toute fréquentation de laquelle tu ne profites d'aucun bien. Et celui qui a une mauvaise fréquentation n'est pas épargné du mal comme celui qui rentre dans des lieux mal fréquentés. Fin de citation. Regardez cette cette compréhension minutieuse qu'avaient les pieux et les hommes de science, rahmatullah alayhi. C'est vers ce sens que nous oriente le noble hadith de notre messager alayhi salatu wassalam, rapporté par l'imam Ahmed, ainsi que l'imam Bukhari, et ainsi que l'imam Muslim, rahmatullah alayhi jami'an. Selon Abu Musa al-Ash'ari, le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: l'exemple du bon et du mauvais compagnon est comme celui du vendeur du musc et du forgeron. Le vendeur du musc t'en donne ou t'en vend, ou bien tu trouves auprès de lui une odeur agréable, tandis que le forgeron qui souffle sur son feu brûlera tes vêtements, ou bien tu trouveras auprès de lui une odeur désagréable. Et ceci est vrai chez les forgerons de l'époque et qu'on trouve encore dans certains villages, dans les montagnes, quand ils sortent les matières qu'ils travaillent, le fer du four, ils le jettent dans un seau. Et de là, il émane une odeur nauséabonde, insupportable. Et quand il souffle avec son soufflet sur le feu, tu as des étincelles. Des fois, t'as djell là-bas ou ton kamis, tu vas partir avec, il est comme un tamis. Plus les mauvaises odeurs. L'aïdan billah. C'est comme les mauvaises odeurs. L'aïdan billah dit, quand tu es en compagnie des fumeurs, même si tu ne fumes pas, tu rentres avec des vêtements chez ta femme, chez tes enfants, qui sentent la mauvaise odeur du tabac froid. L'aïdan billah. Nawawi rahimahullah a dit, il y a dans ce hadith le mérite de la fréquentation vertueuse et des gens du bien, et ceux qui ont des nobles comportements, et ceux qui ont de la science et de la culture et qui délaissent les choses autorisées pour ne pas tomber dans ce qui ne l'est pas. Et il contient aussi, ce hadith contient aussi l'interdiction de fréquenter des gens du mal et les gens de l'innovation, et ceux qui médisent sur les gens, et ceux qui crient en se disputant, et ceux qui ne font rien de leur vie et autres parmi les catégories blâmables. Fin de citation des paroles de Nawawi rahimahullah dans l'interprétation qu'il a fait à Sharh Muslim, à l'authentique du Muslim. Donc celui qui fréquente les bons, de leur fréquentation, il apprendra des choses de sa religion, et il apprendra le bon comportement, et il aura les éloges de par cette bonne fréquentation. Il recevra des éloges parce qu'il a une bonne fréquentation. Et ce sens, on le trouve dans le hadith du messager d'Allah rapporté par l'imam Ahmed et par l'imam Bukhari, l'imam Muslim. Et c'est un hadith authentique. D'après Abu Huraira radiyallahu anhu wa arda, l'envoyé d'Allah a dit: Allah a des anges qui parcourent les routes à la recherche du dhikr, c'est-à-dire à la recherche des cercles d'enseignement, on entend les paroles d'Allah, on entend la parole d'Allah à dire, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit, et on invoque Allah. Lorsqu'il trouve un groupe qui évoque Allah, il s'écrie: venez donc, voici ce que vous cherchez. Et il les entoure donc de leurs ailes jusqu'au ciel. Et leur Seigneur les interroge, alors qu'il sait tout déjà, subhanahu wa ta'ala. Que disent mes serviteurs? Ils répondent, ils te glorifient, ils t'exaltent, ils te louent, ils te reconnaissent la majesté. Il leur dit, est-ce qu'ils m'ont vu? Ils répondent, les anges répondent, non, par Allah, ils t'ont pas vu. Il leur dit, et qu'en sera-t-il s'ils me voient? Ils répondent, s'ils te voient, ils te glorifient encore plus, ils te loueront encore plus. Il leur dit, que demandent-ils? Ils répondent, ils te demandent le paradis. Il leur dit, l'ont-ils vu? Ils répondent, non par Allah, ils l'ont pas vu. Oh, non par Allah, ô Seigneur, ils ne l'ont pas vu. Et il leur dit, subhanahu wa ta'ala, qu'en sera-t-il s'ils le voyaient? Ils répondent, s'ils le voyaient, ils le désireraient encore plus et aspireraient avec plus de conviction. Et il leur dit, subhanahu wa ta'ala, de quoi cherchent-ils à se prémunir? Les anges répondent, du feu. Il leur dit, l'ont-ils vu? Ils répondent, non, par Allah, ils ne l'ont pas vu. Il leur dit, subhanahu wa ta'ala, et qu'en sera-t-il s'ils le voient? Ils disent, ils chercheront à le fuir avec plus de crainte et plus de vigueur. Il leur dit, subhanahu wa ta'ala, alors soyez témoins que je leur pardonne. Voici le témoignage dans le hadith ici, écoutez-le bien. Un des anges a dit, un tel parmi eux n'est pas dealer. Il est simplement venu pour une affaire le concernant. Allah dit, ce sont de tels compagnons que celui qui s'assoit avec eux ne connaîtra pas l'affliction. Regardez ce mérite d'être avec les vertueux. Un ange dit, un tel parmi eux n'est pas dealer. Il est simplement venu pour une affaire le concernant. Allah dit, ce sont de tels compagnons que celui qui s'assoit avec eux ne connaîtra pas l'affliction. Allahu Akbar. Donc, cela doit nous motiver à chercher des bons compagnons. Hein, et de délaisser les mauvaises fréquentations. Et notre choix doit se faire sur le critère de la vertuosité et sur le critère de la taqwa. Et la droiture dans la religion qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime et agrée. Selon la sunna de Muhammad alayhi salatu wassalam et la voix des nobles compagnons d'Allah alayhim. Voici les critères pour choisir ces fréquentations. Nawawi a dit, dans l'interprétation qu'il a fait de l'authentique du musulman concernant ce hadith qu'on vient de citer, dans ce hadith, il y a le mérite de l'évocation d'Allah et les mérites de ses assises et le mérite de l'accompagner de ceux qui le pratiquent et l'effet sur celui qui s'assoit avec eux et qui n'est pas des leurs. Fin de citation. Regardez combien de mérites il y a dans ce hadith. Les mérites des assises, de la science et de l'évocation d'Allah. Hein? Les mérites de la compagnie de ceux qui sont dans ces assises. Et en plus de ça, l'effet que ça a sur une personne qui ne fait même pas partie d'eux. Regardez ce grand bien de la compagnie vertueuse. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse que nous soyons parmi cette compagnie vertueuse. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous comble de compagnons vertueux. Selon Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu wa arda, le prophète d'Allah a dit, l'être est avec ceux qu'il aime. Le hadith il est rapporté par l'imam Bukhari ou l'imam Muslim. L'être humain est avec ceux qu'il aime. Notre messager sallallahu alayhi wa sallam nous a montré l'importance de la bonne compagnie et l'importance du choix de celle-ci. Et que la personne est considérée étant dealer, et la personne est considérée étant dealer et faisant partie de la bonne fréquentation, même s'il n'accomplit pas ce qu'ils accomplissent. Il est considéré comme eux. Dans certaines versions du hadith, on dit, de ce hadith d'Abdullah ibn Mas'ud, on dit, ô messager d'Allah, l'homme aime des gens, mais il n'arrive pas à accomplir ce qu'ils accomplissent. C'est-à-dire, il n'a pas les capacités, il n'arrive pas à faire les œuvres que ceux qu'il aime font. Les œuvres que ceux qu'il aime accomplissent. Et il a dit, alayhi salatu salam, l'homme est avec ceux qu'il aime. L'homme est avec ceux qu'il aime. Donc aussi, notre amour doit être pour les vertueux, pour ceux qui préservent les droits d'Allah, azza wa jal, pour ceux qui sont de la bonne voie. Abu Huraira, plutôt Abu Naïm, dans le Hilya, dans son livre le Hilya, ainsi que Ibn Asakir, dans son livre Dham Qurana, le blâme des mauvaises fréquentations, rapporte avec une chaîne jugée authentique que Muhammad ibn Nadr al-Hariti a dit, il a été révélé à Moussa ibn Imran, prière et salutations sur lui, ô Moussa, prends pour toi des compagnons, et tout compagnon qui ne s'accorde pas avec toi sur ce qui me réjouit, ne le fréquente pas, car c'est mon ennemi. Allahu Akbar. Ibn Abi Dunya rapporte dans son livre l'Ikhwan, les frères, qu'Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu wa ardah, a dit, si Allah vous donne l'amour d'un être musulman, tenez-y fortement. Si Allah vous donne l'amour d'un musulman, tenez-y fortement. Et toujours dans le livre des frères de Ibn Abi Dunya, al-Hassan al-Basri, rahimahullah, a dit, le croyant est le miroir de son frère. S'il voit en lui quelque chose qui ne lui plaît pas, il l'oriente, l'entoure et le préserve en secret et en public. Et tu as de ton intime une part, et tu as une part de ce que tu aimes. Ayez confiance en les compagnons, et en les frères et les assises. Regardez ce qu'il a dit, rahimahullah ta'ala. Le croyant est le miroir de son frère. Quand il voit quelque chose de mal chez son frère, il l'oriente vers le bien. Il le corrige de la meilleure des façons. Il le préserve en public et en privé. Et les personnes ont quelque chose de leur intime. Ils ont des ressemblances avec leur intime, que ce soit dans leurs gestes, dans leurs paroles, dans leurs comportements, et ainsi de suite. C'est pour ça que le choix de la bonne fréquentation et des intimes est très important. Et toujours dans le livre des frères de Ibn Abi Dunya, rahimahullah, Abd al-Samad Ibn Ma'qil a dit qu'il a entendu Wahb Ibn Munabbih, alors qu'il était sur le minbar, faisait une khutbah, le Jumu'ah, sur le minbar, dire, mémorisez de moi trois choses. Attention au suivi des passions, et à la mauvaise fréquentation, et au fait que la personne soit imbue de lui-même. Regardez ces conseils qu'ont prodigué Salaf Ridwanullah alayhim. Attention au suivi des passions. Suivez pas vos passions et les innovations. Et attention aux mauvaises fréquentations. Et attention au fait que la personne ne soit pas imbue de lui-même. Ibn Hibban, rahimahullah, dans Rawdat al-Uqala, il a dit, le doué de raison reste en compagnie des bons et se sépare de la compagnie des mauvais. Car le début de l'amitié des bons est très facile, s'obtient facilement. Il ne s'arrête pas d'un coup. Le début de l'amitié des bons est très facile à obtenir. Il ne s'arrête pas d'un coup. Quant au début de la compagnie des mauvais, est très lente, très difficile à obtenir. Et ça s'arrête brutalement, d'un coup. La compagnie des mauvais est la cause de mauvaises suspicions sur les bons. La compagnie des mauvais, la fréquentation des mauvais est la cause de mauvaises suspicions sur les bons. Et celui qui fréquente les mauvais sera des leurs. Et il est obligatoire aux doués de raison d'éviter les gens douteux pour ne pas être comme eux. Et comme la compagnie des bons fait héritier le bien, il en est de même. De la mauvaise fréquentation, il fait hériter le mal. Et qu'on regarde, quand on fréquente un tablir, on est quoi? Un ikhwan devient quoi? Un moussafiq, on va devenir quoi? Un khariji, on va devenir quoi? Un débauché, hein? Qui fume, qui est sur les terrasses de café, qui, etc. On va devenir quoi? Parce que la nature humaine tire comme les mots. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la clairvoyance dans notre religion et qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse que nous soyons parmi ceux qui entendent la bonne parole et qui la mettent en application. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa salli allahumma wa sallim wa barik ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Barakallahu fikum, wa ahsallahu ilaykum, wa jazakumullahu khaira.